ไม่ฟังโน่จ้ะ คนเจ้าหน้าที่เป็นที่นี่ใครก็แหลก I can't even go to the past and it's so it's a little bit of a s-au scopit stâlnei acestui. Pe tot din majoritatea de această prezență, le rege profit pentru aborte. În certain nombre de points qui expliquaient ce temps en équipement. C'est-à-dire que puisque si bien quelque chose est en question au niveau de l'université, c'est aussi au niveau de l'université. À quoi dans bien des cas, ben, dédaigne de faire état de mouvements qui parviennent, à quoi le temps de l'origine devoir être. La linguistique began boldly. Lord, it's sad that they could not mind it was only glad on you. Because people be in class to talk to you like that, that they get blessed. Ce discours en tant que je tiens, c'est d'une certaine façon, disons que je sais que c'est. Semble prouver que je sais à quoi m'en tenir. La tenue d'une certaine place, et je souligne en fait cette place netto, je souligne que je sais pas, elle est lancée pour la première fois, la phrase qu'on a bien répétée. C'est là que je me tiens. La place que j'identifie à celle d'un psychanalyste, la question peut être discutée, que bien des psychanalystes la discuteraient. En fait, c'est à quoi je m'en tiens. C'est pas tout à fait pareil. Si j'ai mon sexe, c'est où je me tiens. Non pas parce que le jeu se fait répéter la deuxième partie de la phrase, mais c'est là que le langage montre toujours ses ressources. C'est-à-dire, je sais où je me tiens, c'est sur où que porterait l'accent de ce que je me targuerais de savoir. J'aurais, si je puis dire, j'aurais la carte, le mapping de la chose. Pourquoi, après tout, que je l'aurais? Il y a une forte raison pour laquelle je ne saurais même soutenir que je sais où je me tiens. Vraiment dans l'axe de ce que j'ai cette année à vivre. C'est que le principe. Tel que le procès en est pour nous engagé, je parle de ce à quoi je répète, je lui donne pour centre la science newtonienne, l'introduction du champ newtonien, c'est qu'en aucun domaine, on ne l'a ce matin. Ce matin. On nous dit où l'on est. En plus, tout le monde est d'accord là-dessus. Que on aille l'autre de l'objection qui peut être faite dès qu'on commence à parler de la carte. De son hasard et de sa nécessité. Eh bien, n'importe qui est en posture de vous objecter que vous ne faites plus de la science, mais de la philosophie. Ça ne veut pas dire que n'importe qui se dit non plus. Enfin, il est dans une position très forte. Le discours de la science. Réplique, c'est où nous en sommes. C'est pas avec ça qu'il opère. L'hypothèse, rappelez-vous Newton, affirmant qu'il n'enseignait aucune hypothèse, employée pourtant ne concerne jamais le fond des choses. L'hypothèse dans le champ. il y a un site conditionnel d'une vérité qui n'est jamais que logiquement articulée. Alors, à peu près, un conséquent doit être vérifié. Il est vérifiable à son niveau du tel qu'il s'articule. Ça ne prouve en rien la vérité de l'hypothèse. Je ne suis absolument pas en train de dire que la science est là qui n'a que ça ne prouve pas la vérité de l'hypothèse, c'est simplement rappeler ce que je viens de dire, à savoir que l'implication en logique n'implique nullement qu'une conclusion vraie du fait tiré d'une prémisse fausse. Il n'en reste pas moins que la vérité de l'hypothèse dans un champ scientifique établi reconnaître de l'ordre qu'elle donne à l'ensemble du champ en tant qu'il a son statut. Et son statut ne peut pas se définir autrement que du consentement de tous ceux qui sont autorisés dans ce champ. Autrement dit, du champ scientifique, le statut est universitaire. Il y a des gens qui veulent paraître gros. Il n'en reste pas moins que c'est ça qui motive on donne niveau de l'articulation du discours universitaire tel que j'ai essayé de le faire l'année dernière. Or, il est clair la façon dont je l'ai articulé est la seule qui permette de s'apercevoir pourquoi il n'est pas accidentel caduque lié à je ne sais quel accident. Le statut du développement de la science comporte la présence, la subvention d'autres entités sociales. On connaît bien l'armée de l'armée. La marine, comme on dit. Et quelques autres comme ça, éléments d'un certain ameublement. C'est tout à fait légitime. Si nous voyons radicalement le discours universitaire, qu'à partir du discours du maître. La répartition des domaines dans un champ dont le statut est universitaire au seul je pose la question de ce qui arrive et d'abord si c'est possible qu'un discours s'intitule autrement. C'est là de s'introduire dans sa massivité que monsieur, je vais repartir d'un point vraiment aussi originel. Mais après tout, puisque le venir est personne autorisée d'être l'ami, des objections comme celle-ci que la linguistique, je ne fais qu'un usage métaphorique, je dois rappeler, je dois répondre. Que soit le café. Laquelle je fais, et je fais ce matin en raison du fait que je m'attendais à rencontrer une atmosphère plus combative. Eh bien donc, je dois rappeler ceci. C'est que si je peux dire testament, je sais. Je sais quoi. Parce que après tout, tel que je me place, quelque part, un endroit, je le nommais la vaincue, donc je vous ai introduit ça le nom la dernière fois, de me nommer monsieur, peut-être, peut nous servir à définir. Mais, je suis que monsieur me protège. Je sais à quoi m'en dire, il me faut dire en même temps que je ne sais pas ce que je dis. Je sais ce que je dis, autrement dit, c'est ce que je ne peux pas dire. Ça, c'est la table. Que Marx le cite, qu'il y a preuve et qu'il a introduit l'inconscient. L'inconscient ne peut rien dire si ça ne peut pas dire ça. De quoi ? Et d'où je me tiens, même si je me tiens bien, je ne sais pas ce que je dis. Et aucun des discours que l'année dernière, je les ai définis, ne laisse espoir, ne permet à quiconque, en fait, quoi que ce de prétendre, j'espérais même d'aucune façon savoir ce qu'il dit. je dis. Même si c'est pas juste. Moi, je sais que je le sais. Je suis pas le premier à dire quelque chose dans ces conditions. Ben, c'est déjà entendu. Je dis la cause de ceci. Dans le langage lui-même. Et pour un même qui est encore plus que ça, C'est évidemment à partir de nous, en fait. De l'acoustique comme ça. Doit s'accroître le nombre de ces postes, ce que l'on connaît ce matin dans le journal, le ministère de l'Éducation nationale. Et aussi le nombre des étudiants. Bon, enfin, l'intérêt, pas l'intérêt, de contribuer à apporter à la linguistique, me paraît-il un intérêt qui vient du grand. Ça va si mal! Du langage, quel qu'il soit, se déplace dans la métaphore. Il n'y a de l'ancien que métaphore. Comme le démon, toute tentative de métal langagier artiste une expérience. Je ne peux faire autrement. D'essayer de partir de ce qu'on définit toujours chaque fois qu'on s'avance. À l'époque, le logicien de définir d'abord un langage objet. Dont il est clair, dont il se touche du doigt, aux énoncés de n'importe lesquels de ces essais logiciens, qui n'est insaisissable, ce langage objet. Il est de la nature du langage, je ne dis pas de la part. parole. Nous ne sommes pas là pour faire obstacle. Et vos obstacles sont distincts. Ce qui devient évident. Voilà l'exemple. Le référent introuvable. Ça ne veut pas dire tout qui soit pas réel. Nous en sommes encore en congrès. Si je fais un usage métaphorique de la linguistique, c'est à partir de l'inconscient. Ne peut se conformer à une recherche, je dis la linguistique, qui est insoutenable. N'empêche pas de continuer, c'est une gageure. J'ai déjà fait assez d'usage de la gageure pour se voir soupçonnier. Ça peut servir à quelque chose. C'est aussi important de faire ce gage. La linguistique. Peut-être une métaphore qui se fabrique pour ne pas marcher. Mais en fin de compte, ça nous intéresse beaucoup. C'est ça que j'ai à vous dire cette année. C'est que la psychanalyse, elle, bien là, qui m'a suggéré, toujours comme ça, qu'est-ce que c'est, mon vieux petit ami chinois, comme ça, pourquoi est-ce que je l'entends, j'ai appris ça. Jamais je n'y ai dit. C'était déjà psychanalyse. Alors qu'il y ait une langue quand même dans laquelle je suis. Je décris plus ou moins bien avec la crème. Donc en fait, même assez clair. Mais la crème. Apprenez à le faire parce que c'est assez simple. Ouais. Et ça fonctionne à la fois dans la formule ouais. dire non être. Donc ça veut dire agir, hein? Je ne vois rien. Vous voyez, oui, employé comme corps. Ça veut dire corps. C'est-à-dire que ça sert de conjonction pour faire métaphore. Oui. Ou bien encore, ça veut dire en tant que ça se réfère à quelque chose. Réfère à cette chose, c'est-à-dire justement, ça n'en est pas, ce que je suis bien forcé de s'y référer. Plus grande largeur, la plus grande souplesse est donnée à l'usage éventuel de ce terme ouais qui veut néanmoins dire agir. Non, vous les verbes, enfin les verbes, vous les verbes, agir, quelqu'un de plus vert, quelqu'un de plus vert ainsi. Je transforme en menu conjonction. Ça, c'est courant. Ça a beaucoup été quand même à généraliser la fonction du signe. Même si ça fait mal aux entournures à la question linguistique, ça n'a pas le chinois. Moi, je voudrais bien demander à un certain, par exemple, comment pour lui, la double articulation, parce qu'il nous fait, la double articulation en anglais, la double articulation, qu'est-ce qu'il en fait en chinois? Hein? En chinois, c'est la première. C'est toute seule. C'est ce qui se trouve. Comme ça, produire un sens. Pour tous les mots, comme la syllabique, là, il ne va pas dire, hein, il y a une phonème qui ne veut rien dire. Et puis les mots qui veulent dire quelque chose, l'articulation de niveau, c'est-à-dire même phonème, niveau du phonème, ça veut dire quelque chose. Ça n'empêche pas, quand vous mettez plusieurs phonèmes qui veulent dire quelque chose, ensemble, ça fait un grand mot, plusieurs syllabes, tout à fait possible, mais qui a un sens qui n'a aucun rapport avec ce que veut dire chacun des phonèmes. Alors la double articulation, elle est marrante, là. C'est drôle. On ne se souvient pas qu'il y a une langue comme ça. On énonce comme général une fonction de la double articulation comme caractéristique du langage. Je veux dire, c'est une connerie, hein. Mais qu'on explique. Il y a la liste ici qui vient de me dire pourquoi la double articulation tient en chinois. Était le verbe. c'est pas d'autre agir que celui-là. C'est terrible, hein? Que vous venez comme ça longtemps. Avec la métaphore. Et plus loin j'irai, plus loin je serai pour voyer. Le sens de la métaphore, je ne vais pas être toute seule. C'est la métaphore qui fonctionne pendant ce temps-là, même pendant que je parle. Je promets, la métaphore, comme je dis, très compétents, sans même si compétents qu'ils ont été placés d'avancer la notion de compétence. La langue, c'est la compétence en elle-même. J'ai dit à certains celui du Père et celui que c'est la relation, la couleur. Celui par collet, c'est la plus belle, c'est la plus valide de moi. Le personne n'avait changé sur ses visages. Plus valide de marque. Ça s'imagine pas comme ça. Ça s'invente, c'est au sens où le mot invention veut dire ceci. On trouve une bonne chose. Déjà, tu es installé dans un petit coin, autrement dit, on fait une grouva. On fait un grouva. parlait d'une logique sous-développée. Hein? Ça a laissé craquer la tête. Ça va être logique. J'avais auparavant bien marqué que ce que véhicule l'extension du capital, c'est le sous-développement. Enfin, je vais dire maintenant à vous, je vais rencontrer à la sortie, et à qui je fais confiance, et j'aurais voulu illustrer la chose en disant que. Et Nixon, c'est en somme une fouette douane propre. Oh, il a dit qu'il y a du qui. Là, je l'ai dit. La seule différence entre les deux, c'est que M. Nixon a été psychanalyste. Nixon! Là, vous voyez un résultat. Quand quelqu'un a été psychanalysé d'une certaine façon, et ça c'est vrai dans tous les cas, quand il a été psychanalysé d'une certaine façon, dans un certain champ, une certaine école, quand les gens sont peu nommés, eh bien c'est ça qui va. Donc vous pouvez dire les choses comme elles sont. C'est incurable, ça va même très loin. Il est par exemple manifeste qu'il est exclu de quelqu'un qui a été psychanalysé quelque part, dans un certain endroit, par certaines personnes, normal, pas par n'importe lequel. Ça ne rien comprendre ce qu'il dit. Ça, c'est plus, il y a des preuves. Sortez tous les jours des bouquins pour les fouiller. Développé, il y a quelques mots, disant rien de plus. Quelque chose, il faut que c'est vous, comme votre accident. Personne ne sait votre rapport à ce qu'est le chose. C'est la nature. de cette nature, quand même, vous avez pu voir. Je suis loin de l'exclure par la paix. Quand vous n'êtes pas complètement sur terre, vous avez quand même pu remarquer. Le bon tableau sur cela, il valait la peine d'être retenu, donc je vous l'ai dit dans le premier entretien, c'est que le signifiant, hein, c'est bien la liste. Il y a mal partout à la liste. Je vais parler des étoiles, des constellations. Des siècles quand même. Le ciel était sacré. Le premier trait, mais qui est aussi là, qui est important. La plateau. Tableau noir, hein? On me reproche de me servir du tableau noir. De tout ce qui nous reste comme ciel, mes bons amis, pour ça je m'en sers. Pour mettre dessus ce qui doit être vos constellations. Alors. Pour suffisamment développer de ce discours, il résume. Il résume que tout ce temps que vous êtes, que vous soyez ici aux USA, même là-bas, mais ailleurs, vous êtes sous-développé par rapport à. Quelque chose à quoi il s'agit de s'intéresser, et qui est certainement, je comprends pas. Quand on parle de votre sous-développement, où le situer exactement quand on dit. De ce qui arrive, quelle est la substance ? Il y a des choses dans ce cher mec. Thank you. sort tout d'un coup cette ligne du décret du ciel. Nous avons, pour être très bien gentil, omis au décret du ciel, de devoir continuer notre discours. Je vais dire aux hommes, ça fait comme ça, vous faites comme ça. Un jour, la science tout ça. Dans notre manière. En même temps, le capitalisme faisait des siennes plus mon Dieu et la vie. C'est pourquoi. L'écrit du ciel, il y en a qui a pas naturel au capitalisme. Puis la preuve, ça vient tout d'un coup, c'est inquiet. C'est quelque chose qui, même étonnant, devenait le seul élément d'intérêt qui a encore quelque rapport avec cette chose qu'on avait autrefois arrêté, qui s'appelait la connaissance. Vous n'en pas, vous avez vu. La moindre trace de quelque chose qui est un sens de cette espèce, vous avez ainsi que. Il y avait cinq choses. Là, c'est là que nous en sommes. Le symptôme, c'est toujours ce point, tourne tout ce dont nous pouvons, comme on dit, la loi. Quelque chose qui ne va pas, qui est sous-développé, doit mettre qu'il puisse vouloir fuir la nature. Ça, quelque chose ne sera très satisfaisant. Mais ça, ou encore les choses de ce qui est l'histoire naturelle. Dans ce crûment calé à l'organisme, à serrer les frais, qui s'appelle le plus de vie. C'est si glissant, ça rend pas facile de mettre la main dessus. Ce n'est même pas, certainement pas à ça que nous nous référons quand même. Bien. Je vais terminer maintenant avec mon Dieu de l'Amsterdam. Je vais vous laisser peut-être un petit peu en allant. Toute mèche de l'agile métaphore. Et pour vous dire en quoi, puisqu'aujourd'hui ça a été mon niveau, la linguistique, convenablement une très critiquée, focalisée, on va vous dire à votre situation, exactement ce que nous voulons. Peut arriver qu'il fasse quelque chose d'utile. La linguistique, je disais tout à l'heure, une métaphore, fabrique exprès, pas marché, ça peut être testé pour ce qui pourrait bien être utile. Nécessaire. Là, aujourd'hui, pour un discours qui ne serait pas.